Lorsque tombent les nuages noirs et que la ville s'est endormie, elles me reviennent comme tous les soirs, mes peurs, mes erreurs, mes envies. Elles me rappellent tous ces cauchemars que j'aimerais chasser de ma vie. Toutes les choses que dans la journée j'oublie. On a tous caché quelque part un grand secret qui nous poursuit. Une ombre éclairée par des phares qui s'amuse à hanter nos nuits. Les images fusent jusqu'à très tard. Je veux juste dormir, j'ai pas envie de faire de ma vie une grande insomnie. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aide-moi, je ferai de mon mieux. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aime-moi encore si tu le peux. Lorsque tombent les nuages noirs, le blanc de la page me défie. Mon reflet dans le miroir me ramène à mes envies. Ma plume inspirée par l'espoir donne un second souffle à ma vie. Et faire de celle-ci les mots que j'écris. Et faire de celle-ci les mots que j'écris. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aide-moi, je ferai de mon mieux. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aime-moi encore si tu le peux. Je ferai de mon mieux. Si tu restes, ne ferme pas les yeux. Aime-moi encore si tu le peux. Lorsque tombent les nuages noirs. Merci. Donc personne n'a essayé de conclure alors. D'accord, pas grave. Elle n'a pas voulu. C'est dommage. Puis moi je peux pas danser en chantant, c'est impossible de faire les deux. Surtout si vous voulez être boiteux à la fin de la soirée. Alors on va enchaîner avec la deuxième composition. Après on fera un petit peu de reprise. Donc la deuxième composition, elle s'appelle Vivante. Tout simplement parce qu'aujourd'hui il faut savoir apprécier le fait d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de quoi manger. Simplement. Les petits bonheurs simples. Un bon verre de vin, rire de tout, rire de rien, humer de doux parfums, s'émerveiller chaque matin, sentir le soleil sur ma peau, écouter la nature au repos, se laisser aller crescendo. vivre au jour le jour, aimer une fois, aimer toujours, rêver sans compte à rebours, savourer l'instant présent, moins que demain, plus qu'hier, comme des parcelles éphémères de bonheur étincelant, en somme vivante, en somme vivante, vivante, vivante, se contenter de peu, ouvrir en grand les yeux, vivante, vivante, prendre le temps d'exister, danser, chanter. Merci. Alors, est-ce que vous voulez chanter un petit peu avec moi maintenant? Ok. Vous êtes toujours là? C'est ça que vous appelez toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Si je vous dis un mot, Iseo, vous allez chanter avec moi alors? On y va? Allez, Santiano. Ah ouais, tu m'avais mangé le début. C'est un fameux trois matin comme un oiseau ici haut, Santiano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon là-bas et tiens bon le vent ici haut, Santiano. comme toi, ma fin comme un oiseau. Et c'est Santillano, 18 400 tonneaux. Je suis fière d'y être matelot. Merci. Alors du coup, la fin, tu veux faire quoi, Sébastien? Tu veux faire refaire l'envie? Absolument. On refait l'envie. Ok, ok. Bon, je serai mieux là. Alors, s'il y a des odeurs de fromage, c'est ici. Cherchez pas plus loin. Allez, on refait l'envie? Ah, vous êtes motivés à fond là. Hein? Alors, la sieste est finie. Il est 22h, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Karim, est-ce que je peux avoir un petit peu plus de voix dans mon retour, s'il te plaît, avant de faire l'envie? Alors, non, j'attends pas que ça pousse. Parce que ça, je peux attendre longtemps. Enfin, quoique, je suis très couillue comme femme, quand même. Rigolez pas, messieurs, c'est pas drôle. Allez, on y va, l'envie? Il y en a une, merci, Jamie. Allez, les auditeurs à la maison, criez! Faut que je me sente comme Johnny. Il y a du chemin, hein. Comme derrière l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'en laisse ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour aimer à des hommes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, quand arrive ma vie. On me donne la haine, que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent, pour que j'aime être saine, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Pour que j'aime le jour, qu'on me donne la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublierai toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. merci beaucoup à Radio Arc-en-Ciel de m'avoir fait venir aujourd'hui. Ça fait plaisir, hein. Ça fait du bien. Donc merci à toute l'équipe et merci pour tout ce que vous faites.